Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, mes amis. Bonjour. Oui, bonsoir, Jackson. Oui. Bonjour, bonsoir. Bolimbisa biso, ndenge to yeli susu. C'est dommage avec ma Congolais. C'est dommage avec ma Milouvor. Et franchement, notre pays va très mal. Donc, avant tout, Botagé, comme ça, tout démarrer. Je suis désolé aujourd'hui, ils ont qui prévité tout ça la live même. Nos amis Milouvor nous ont contraints de le faire. Hein. Et live Nabiso ya lobby, nous sommes balés et disparaître. Nous sommes balés disparaître, na YouTube et disparaître, et puis na Facebook et disparaître. Alors, nous avons pris toutes les dispositions pour que. Pour que Essalema les sous-souter. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, avant tout, comme je l'ai dit, vous taguez Bakota, appelez beaucoup de Milouvor qui rentrent. Vous taguez Bakota. Et comme ça, tout Banda, l'isolo na bisou. Voilà. Donc, excusez-moi. Bon, oui, ça, studio à télévision, hein? Donc, tout peut se passer, on peut bouger comme on veut. Hein? Ils allaient juste me mettre debout devant vous pour que tout soit là. Et ça, studio, il y a télévision, pour que. Professionnalisme et à la stricte rigueur. Voilà. Je disais donc hier, dans les cas qui sont en live, comme d'habitude sur YouTube et puis sur Facebook. Alors, Nathan, tu aussi ça qui live Nabiso, tu vois qui va disposition T, il y a qu'au verrouiller en haut. Comme vous le savez, à tout moment, il y a Félix, il y a toujours un mot de passe Nabiso, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a un mot de passe, il y a les réseaux sociaux, Nyonso. Alors, au lieu de défendre leurs frères, avec le travail, au lieu de défendre leurs frères, Namisala, Balakisamisala, Tomo Namisala, c'est la meilleure façon de répondre. Mais Bango, Bazoulouka, répondre Bissot, Nabatak, Naba menace, Naba destruction, ils croient que de cette façon, ils allient la meilleure, il y a qu'à répondre Bissot. Donc, comme vous voyez très bien dans le Bakango, toujours qu'on ne donne pas le pouvoir aux idiots. Dans le Bakango, toujours, on ne donne pas le pouvoir aux idiots. Ce qui peut le pouvoir aux idiots, idiot a qu'on travaille avec Moutou Naïté, parce que Moutou est alité. Idiot a qu'on toujours à utiliser biceps, Makofi. Idiot a qu'on toujours à utiliser insanité, injure. idiot a koluka toujours a utilisé ko beta ko boma ba arrestation. C'est comme ça le pouvoir nyonso ya ba idiot. Et comme vous le savez, ba idiot nyonso na mokili yo bazwaka pouvoir, ils utilisent toujours la dictature. Parce que les gens qui ont répondu aux actes, ils ne sont pas capables de travailler, ils ne sont pas capables de couper ça, maya comme la population, ils ne sont pas capables de couper sa nourriture dans la population, classe na bala na biso, ba soin, ya santé na bato na biso. Alors leur façon de travailler, c'est des attaques. Ils allaient toujours attaquer et na yebisa kabino toujours un idiot égal à un idiot. Deux idiots sont deux idiots. Trois idiots sont trois idiots. Mais un million d'idiots, c'est un parti politique. Nalobakamona banako répéter en toujours. Idiot moko azali idiot moko. Ba idiot mi balé, bazali ba idiot mi balé. Ba idiot mi satu, bazali ba idiot mi satu. Mais ceux qui ont commis un million ya ba idiot, wana ezali siko parti politique. Alors, bino moko botala na Congo na biso, tozali na président moko oazali idiot. Pembeni na ye ba idiot, 3, 4, 5, tibake koma ba 100. Et banani balandaka bango ba idiot mususu plus de 1 million ya bato, ya ba Congolais. Donc c'est un parti politique. Et ces partis politiques, vous les connaissez. Parti politique, en moi, il y a un mousapi. Depuis que Étienne Tshisekedi est resté seul, na y a eu deux pèses. Nan y a tombé la mousapi, qui a eu deux pèses, il y a eu un cerveau. Nan y a tombé la mousapi, cerveau à mon ami. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que c'est une association des idiots qui forme un parti politique. Il raisonne de la même façon. Ba raisonna kandenge moko. Il vous pose des questions, vous les répondez, il revient avec le même question. Ba zandenge moko ba jusa kandenge moko. Bango soko zali pembe na bango makofi. Ozali pembe na bango benjir. Il vous pose des questions. Est-ce que ozali mutu? Ou prouvez bango que oui, ozali mutu. Mais lobby akoya li sous soit la même question. Est-ce que vous allez moutou? Ou répondre oui, nazali moutou. Donc, bazali bongo, ce sont des idiots qui forment un parti politique qui s'appelle l'IDPS. Et l'IDPS est composé des hommes de tribu. Naïb Sakabino, en politique, les hommes de tribu et Nikoloba, batou oyo qui ne raisonne qu'en fonction ya tribu na bango. Les hommes de tribu, on a fondé Yangote, c'est politique. Les hommes de tribu en politique, ils allient Batu Oyo qui ne raisonne qu'en fonction de la tribu na bango. C'est-à-dire, et loko nyonso ko yebisa bango, soki ba lobi oh, na minembwe babomi ba Congolais. L'homme de tribu a répondre nani, jaloux, tribaliste. Mais yo lobi na minembwe babomi ba Congolais. L'homme de tribu a koya ko réagir na information oyo pesi ke na minembe babomi ba Congolais a koya ko réagir par ozali tribaliste. Mais cet homme de tribu so remoni otali malamu azali muta minembe ete azali kasaye. Il vous dit oza tribaliste parce que pesi information a minembe on a tué des Congolais. Ce que lobby fachi akeyi na Égypte ko kanga ba photo na ba pyramide. Ce qui est vrai. Les hommes des tribus vont répondre aux tribalistes jaloux. Et pourtant, photo en appareil, à photo en Kandi Félix, photo en Égypte, et Zali appareil Nangai, Mbongo Nangai, Mbongo Nayo. Voyage au Fachi à l'homme qui chasse à Keiti en Égypte, et Zali Mbongo Nayo, Mbongo Nangai. Alors, Bisso Bakolo Mbongo Soto Lobike. Mbongo na biso ko dépense yango na ba photo boyete na tourisme boyete les hommes de tribu ba ko répondre yo par aux a jaloux aux allés tribalistes. Donc homme de tribu a longwa kana na meyandre wana ya tribalisme te a longwa kana tribalisme te ba réponse na ye il faut outa na tribu na ye pour répondre bino ba détourner mbongo à l'état aux actes tribalistes. Alors tokokota makambo na sima. Donc je voulais dire que vidéo na biso to salaki lobby à notre grande surprise vidéo ezali et disparaître nos mibale ya YouTube na ya Facebook. Ezali peut-être une erreur de notre part parce que to mekai ko verrouye yango te d'habitude soit to silici ko sala vidéo boye to verrouye ka yango pour que ba meka ko touche yango te mais to sala ki yango te alors avant to les cas moi peut-être eloko moko une information o ekoyi ko pesa une leçon pour na ba congolais mais to yebi très bien que ba congolais to landa biloko na te. Et ça, moi, mboka moko na Europe, oba bengi Estonie. N'Estonie kuna président Azali Mwasi, comme je dis président. Azali Mwasi. Alors, président, tu as outi ko nommé premier ministre. Premier ministre peut nommer ya Mwasi. Félicitations na mboka wana. Alors, ce qui est surprenant, premier ministre oya nommé a annoncé gouvernement na ye, équipe na ye, ou bako travaille na ye, ba ministre na ye. Au total, ba ministre nyonso, ba zali 14. 14 ministres. Na kati ya 14 ministres, ba 6 femmes, et le reste, mibali. 14 ministres. C'est-à-dire que c'est un pays, Ezali premier ministre ou Ezali n'a souci. Il y a trésor public na bango. Parce que équipe Oyo Ezali éléphantesque, Ezali équipe Oyo Ezali ko gobe mbongo ya l'état. Na Congo tozali na plus de 70 ministres et vice-ministres. Vice-premier ministre, ministre, vice-ministre, donc Ozali n'a plus de 70. Alors, ma ministre Onyo so bazali ko yana be équipe na bango, ba cabinet na bango. Bango na bazali payé combien? Ba vice-ministre bazali payé combien? Ba directeur de cabinet na bango bazali payé combien? Ba équipe o ba yé nango ba kozala payé combien? Yé moko président plus de 1000 ayé na bango na présidence. Et bango nyonso 80% les hommes de tribu. Les hommes de tribu. Alors, ezali ba leçon peut-être pour nous batou tokoya na sima na mboka na biso pour que tout change mboka na biso. Il faut veiller à ce que l'équipe ya gouvernement ezala en réalité moins de 30. Moins de 30. Parce que tous en a besoin y a bas travailleurs, tous en a besoin y a bas tout ba nommé yo ministre, yo yé nandenge na yo na ministre mususu en cachette ou y a bas d'ago travailler pour na yo. C'est comme ça. Le président lui-même idiot, il vient avec 1000 hommes de tribu, y a tribu na yé, ayé na bango na présidence, croyant que bato ayé na bango na présidence va ko sali sa yé pour sala musala, ayé ko remarqué que bazo sa yé musala te. Et voilà donc ce qui se passe dans mon cannabis. Alors, il faut chercher ma tête pensante, ma tête pensante, ma tête pour travailler mon salaire. Et non, ma tête pour pour remplir le gouvernement pour rien, ma tête pour rien. Chacun a 3, 4, 5 femmes, chacun a zali dans l'équipe naïe. Vraiment, on a zali malheur pour mon cannabis. Voilà donc comme na lobaki que vidéo na biso lobby ezala ki eza disparu ezo monana te, j'ai décidé na ya na vidéo mususu na zongi la in extenso ou bien à peu près ce que j'ai dit hier pour que ba congolais ba meka ko comprendre biso eloko ni tolin koloba. Na lobaki lobby likambo ya koya na ngai na vidéo politique ya boye, la première vidéo YouTube que j'ai faite. Ezalaki la vidéo d'interpeller Félix pona incapacité naye, pona ignorance naye, pona idiotie naye. Félix alongwa ki na mboka Congo akeyi na Kenya kokutana na communauté congolaise. Alongwa ki na Kenya na avec akutana na communauté congolaise akeyi na Éthiopie. Na Éthiopie kuna akutana ki na le haut commissaire pour les réfugiés, c'est-à-dire les chargés ya ONU en matière ya ba réfugiés na ya ba apatrides. Otobengi haut commissariat pour les réfugiés HR. Auta ki Genève akenda ki na Éthiopie parce que il y avait une réunion ya ba président ya Union africaine pour que akutana na quelques présidents o amonike na musala ya HR il faut ba travailler na ba président wana. Parmi ba président akutana ki na bango, akutana ki na Paul Kagame, akutana ki na Museveni, akutana ki na Félix. Mutu na mutu ayaki na cahier de charge na ye concernant HR. Alors, étonnant pour Félix, ayebisi au commissaire pour le réfugié que mboka na biso et outi ko sala alternance politique na yebite soki ezala ki ya kindoki ou bien ezala ki ya solo to outi ko sala alternance politique maintenant c'est l'opposition qui a eu le pouvoir et tozali ko senga na HR a salisa Congo pour que le réfugié congolais rentre au pays. Ils ont de la place au pays. C'est ce que Félix a dit. Et na lobaki yango na vidéo na j'avais expliqué na ba vidéo monsieur Selandaki comment est-ce que na joie qui information wana je suis dans les HR, je suis consultant na Genève, chaque année je suis à Genève 4 fois hormis ba coronavirus oyo, chaque année nazali na Genève 4 fois pour la consultation avec l'ONU en matière de réfugiés. Nazali chaque mois de juin na Genève. Nazali chaque mois d'août na Genève. Na mois de juin na Genève, nazali pona consultation entre les HR et les ONG. Nazali na mois de septembre na Genève, consultation entre le haut commissaire et les consultants. Nazali na mois de décembre na Genève, pona na comité exécutif et le consultant. Donc Nazali na Genève chaque année plus de 3 fois. Na kenda kapo na tourisme te, na kenda kapo na musala. J'ai commencé ce travail au Kenya na Genève comme consultant depuis 2010 au mois de juin. Donc 2010 les autres années 2021, ça fait 11 ans jour pour jour, je travaille pour le réfugié du monde. Alors, correctif, il y a des gens qui croient que, voilà, Félix a Katio Kwanga, Kwanga a sauté, ou comment on l'a dans la vidéo, parce que, ma kamba ba réfugié, Félix a Katamo. Donc, pour ce monde, il y a des Zali est belé dans le monde. Et idiotie, il est comme tribal. Et comme il s'identifie à la tribu. Parce qu'il raisonne la même chose. Moi, je ne travaille pas pour le réfugié congolais. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais eu un travail, un contrat de travail pour le réfugié congolais. Jamais de ma vie. Na sala ya monante. Alors, comme je travaille pour le réfugié du monde, Congo azali na kati ya monde, donc le réfugié congolais bazali na kati ya ba réfugié du monde pour lequel je travaille. Félix a okata nga kwanga ndenge nini. Parce que Félix n'a pas cette capacité à kata musala ba réfugié ya monde. Les réfugiés sont là. Dans le monde, il y a des réfugiés aux Alli, plus de 70 millions de réfugiés. Donc, c'est plus qu'un pays, les réfugiés. Donc, un Félix, un idiot, un incompétent, a quoi il y a bon, il y a quatre réfugiés dans le monde. Alors, il y a des chômeurs, Moussalais a sauté, salaires a sauté, bon, il y a des réfugiés qui ont sauté, a commis chômeurs, a commis comme ça la sikoba vidéo. Il y a des idiots. Les hommes de tribu. Alors, na kata déclaration ya Félix na Éthiopie interpella ki ngayi parce que je travaille pour les réfugiés du monde. Na yebi mécanisme nini et pour ça que le réfugié rentre. Na kata ba réfugié wana c'est en général. Soto le bi réfugié, c'est une façon péjorative plutôt. Les réfugiés ça veut dire na kati kuna tozali na ba demandeurs d'asile. Na kati kuna tozali na ba patride. Alors, bango nyonso en général, to benga ka bango ba réfugié. Mais na kati ya mo réfugié, tozali na ba catégorie de demandeurs d'asile, tozali pe na ba déplacé interne, il y a de ce ba benga ka bango pe ba réfugié. Mingi soki botali ba information, ba journaliste ba benga bango ba réfugié. Le déplacé interne, ça veut dire que le gens na kati ya mboka na bango ya un problème, ba se déplacé, ba longwe na ba résidence na bango habituel, na ba ville na bango habituel, ba kei na esika mususu ko vanda na esika mususu ko kima danger ba luka protection. Donc tant que ba bimina na ba frontière ya li banda te na ba mboka mususu te, bazali ba réfugié te, bazali ba demandeur d'asile te, bazali ba déplacé interne, IDPs en anglais. Alors, ceux qui ont déplacé frontière, même seconde moko bimi frontière na yo, à ce moment-là, ce qui n'a intention na yo, parce que le réfugié d'abord c'est dans les concepts na yo réfugié. On ne devient pas réfugié pour le processus y a interview ba immigration. Ça to litaka mingi to yusa abata ba immigration. Un vrai réfugié n'est pas réfugié à cause de vos interviews, à cause de votre décision la personne est réfugiée. Non, la personne est réfugiée dès lors qu'il quitte ou qu'elle quitte frontière na ye, ya mboka na ye, à côté na espace international, cette personne est demandeur d'asile. Alors, le processus à interview, on est allé juste ma formalité pour na ko vérifier que c'est vrai, Azali est réfugié. Mais en réalité, ce n'est pas. Biloko ba pays e belé ba lobaka non ba to auto zali ko sali sabango non ngam na sali sakyo interview ngam na edaki yo ozu mukanda réfugié donc il faut pesa merci na pays na biso maintenant la personne est réfugiée dès lors qu'à longue frontière ya mboka na ye à côté na espace ya espace international. Alors je suis venu ici avec une vidéo pour interpeller Félix. Na utilisé qui ba terme que ba conseiller à Félix ba ligoté yé ba enchaîné yé. Parce que une autorité publique, un président de la République, a joué kaba décision d'engouanate, a outa ki kokota, a joué pouvoir, kabila ela, système ya kabila ezali wana, bata kabila bazali wana, système ya sécurité ezali wana, aner ezali wana, police ezali wana, bademia nyon so wana bazali wana. Toi tu viens, on te nomme président, automatiquement tu décides ba réfugié bazonga. Et ça n'a pas été. Alors, dans le bâti Azali idiot, et Batou, Bayaki, qui ont condamné Ngaba Milovor, que pourquoi on le dit Azali idiot, Azali idioté, mais si on va découvrir qu'en tout cas, Tozala qui est prophète, il est idiot, plus qu'idiot même. Kiyung, Kizengi. Alors, voilà. Et la vidéo à lobby, na yaki pona interpeller les sous. Maintenant, nous avons interpellé. Ma conseiller à Félix, parce que à cette époque, quand j'ai interpellé les conseillers de Félix d'enchaîner leur chef, j'ignorais ma conseiller à Félix au Bazala qui banane. N'aie pas quitté que Bango pe bizengi loko la yemoko. N'aie pas quitté que Bazali ba chekouler loko la yemoko. N'aie pas quitté que Bazali ba menteur, ba escroc loko la yemoko. Alors maintenant que j'ai découvert que Félix et ses conseillers Bazali batumoko biyungu bizengi, n'a pas eu interpeller Bango te. Parce que pour interpeller qui yungu zengi, ils allaient peine perdue. Maintenant, na yepona interpeller les Congolais. Les Congolais ponani. Boyebi que Félix c'est un monsieur oui oui. Ils allaient kaka Félix c'est mutazali monsieur oui oui. Tout le monde qui a raté l'école, tout le monde où ils allaient entourer na bateau, où ils bakoyoko encadrer ba décision na yete, où ils bakoyoko encadrer ba sortie na yete, ba rencontre na yete. Bazalaka toujours ba monsieur oui oui. C'est-à-dire, il n'a pas cette capacité de raisonner, de persuader, de convaincre ba interlocuteur na ye, il ne fait qu'accepter oui. Li kamnes ba koyebi sa ye oui, akende awa oui, akende awa oui. Alors, na relations internationales, tout le pays au bazali makasi, qui comprend les relations internationales, en profite pour na faiblesse, il y a ba président mususu, na faiblesse, il y a ba gouvernement mususu, na faiblesse, il y a ba régime mususu. Ba ko profiter pour na ba agenda na bango. C'est le cas, par exemple, avec le Rwanda. C'est le cas avec l'Ouganda. C'est le cas na ba pays mususu. Ils ont remarqué qu'au Congo, il y a un leadership faible, inexistant. Alors, bazali ko profiter pour ba y a na ba agenda na bango. y a ba annexion ya Congo, y a balkanisation ya Congo, y a koyiba ba richesse ya Congo, parce que le leadership est faible, le leadership est incompétent. Ba koyi ko sale loko mokoti. A koyi ko sale loko mokoti. Tout le monde en profite. Ngai, je ne condamne pas ce pays-là. Na condamne ka ba pays wana te, parce que c'est ça, les relations internationales les ali mawate. Na relation internationale ba mamelo bazalaka te, ba sango bazalaka te, ba sango entre guillemets, hein? Ba sango bazalaka te, nzamba bazalaka te, Saint-Esprit bazalaka te, mawa bazalaka te, excusez-moi. Na relation internationale les ali ba intérêt mutezo konti, ezo konti. Ba tuna yo ba kufa te, c'est pas mon problème. Problème na ngai ezali na zwa makambo nyonso o na za nango besoin na mboka na yo. C'est comme ça, ça se passe. Tu peux changer, tu créer room sous te. Rue yangwan ezali, moi to changer rue ezati. Alors maintenant que le gens en profite pour la faiblesse ya Félix, pour faire accepter ye tout. Ba kongolais na lubiso moko, quand vous rencontrez Félix, vous pouvez le faire, pardon, vous pouvez le faire accepter et l'okonyo so oyo boza nango besoin. Donc par preuve, na voyez Sabino que partout où Félix est passé, Baroula kaye toujours. Hein, na Maté Baroula ye, na Ibiza Baroula ye, na Genève Baroula ye, na Kenya Baroula ye, na Kingakati Baroula ye, voilà. Donc, interpellation ya ba Congolais ezali, Félix akenda ki, avant nan akenda n'Egypte, na ete soki azongi. Avant que n'Egypte, tout moni premier ministre ya Soudan ayaki, non, ministre des Affaires étrangères, je pense, ou premier ministre, il y a Soudan, Ayaki na Congo, Okutana Félix. Après ministre ou premier ministre, il y a Soudan, Okutana Félix na Kinshasa, Tomoni président, il y a Éthiopie, Ayaki na Congo, Okutani na Félix. Alors, Batouana mi balé, Baye Okutana Félix, pourquoi? Baye Okutana Félix, parce que samedi, donc lobby, après lobby pour Abino, Félix Azali Kozoa présidence, il y a Union africaine. Na lobaki yango na vidéo ya lobby ki kozwa présidence ya Union africaine pour na Félix ezali mérite te ezali élection te kozwa présidence ya Union africaine ezali l'histoire que le président Union africaine basala gestion ya Union africaine est à la tour des rôles. Donc les lots qui sont d'Afrique m'ont été dirigés après 2 ans et que ça l'emboque à Bumsusu après 2 ans boka Bumsusu dis ce qui va s'élisser les 54 pays d'Afrique bah zongeli lissusu na numéro 1. C'est comme ça oyo bah yokandenge bah yokana qu'on gère Union africaine. Alors et au coïncider que cette fois-ci présidence de l'Union africaine est au Kenya na Congo. Donc ezala makaka moto azala pouvoir. Ezala milu moto azana pouvoir. Ezala idiot moto azana pouvoir. Ezala un intelligent azana pouvoir. Cette fois-ci la présidence est kozala na maboko ya Congo. Alors voilà pourquoi ces présidents, ces pays bazali koya kokutana na Félix pour na ba agenda na bango qui demande l'intervention de l'Union africaine. Na kati ya ba agenda wana boyebi très bien que bamboka lokola Égypte, mboka lokola Libye, mboka lokola Tchad, mboka lokola Éthiopie, mboka lokola Érythrée, mboka lokola Djibouti, mboka lokola Soudan. Bamboka na nyonso vi na bango ezali ko dépendre na mai ya fleuve Nil. Boyebi que fleuve Nil ebanda na Afrique, ebanda na Uganda ti ekenda na Egypte. Donc bamboka wana nyonso fleuve ni lesali ko traverser bazali na mayi mususu te bazali na ba fleuve mususu te. Ça dire que vie na bango ezo dépendre na fleuve Nil. Alors bilanga na kati komela kosukula misala ba hygiene tout ce qui demande l'eau po na bango mayi ezali ko uta na na fleuve Nil. Alors, ce qui fleuve Nil exacte, il y a un problème na Égypte, il y a un problème na Éthiopie, il y a un problème na Soudan. Alors, bamboka wana nyonso bazali ko dépendre na fleuve Nil. Alors, ce qui bomoni fleuve Nil ezali fleuve moko ya munene te lokola fleuve Congo. Ezali fleuve amunene te lokola fleuve Zambèze. Ezali fleuve amunene te lokola Amazon. fleuve Nil, le Kumunango ezali que ezali fleuve ya Moulaï na Mokili. Fleuve eleki Moulaï na Mokili, mais ezali munene te. Alors, na moke nango o ezali, ba peyi wana nyonso bakabola mai. Bakabola mai, irrigation pona bilanga, pona baijine, pona misala mususu bakabola yango, mai wana na tango ezali kokoma na embouchure. Na Egypte, mai ekotika la moke lokola mwa rivière. Alors, pona Egypte, pona Éthiopie, mai wana ezali moke ezo suffire te. Banda kala, ba mboka lokola Egypte, mboka lokola Éthiopie, mboka lokola Soudan, bazalaka na intention yako benda mai, bakomisa fleuve Nil munene, mai ezala ebele a partir ya fleuve Congo. Fleuve Congo ezali munene. Pona bango, na kote nord-est ya mboka na biso, na province orientale, basala tunnel. Tunnel wana euta na fleuve Congo, ekende kokota mai ekende kokota na fleuve Nil. Soki mai ya fleuve Congo, une partie ya fleuve Congo ekeyi na fleuve Nil ekoma munene. Mai ekozala ebele, alors ekosuffire na ba pays wana nyonso na tangi. Alors, sikoyo, ba président ya Égypte ebele, ba président ya Soudan ebele, ba président ya Éthiopie ebele, bazalaki ko influencer le gouvernement ya Congo to ba ya Zaïre pour que ba négocier kozwa mai ya fleuve Congo. Mobutu l'a rejeté. Kabila, Laurent Désiré Kabila l'a rejeté. Joseph Kabila l'a rejeté. Mais danger ezali sikoyo tozali na patin. Tozali na président idiot. Oyo que ye ayebi ko sala analyse te, ayebi ko loba non te, risque ezali. Parce que ba peyi wana nyonso solution ezali nini, ndenge nini pona kozwa mai ya fleuve Nil. Ezali soit un, basenga d'une façon humanitaire, na Congo ou bien na Zaïre, ba pesa ba, to pesa bango mai. Batobola nzela ndambo mai ya fleuve Congo ekota na fleuve Nil d'une façon humanitaire ko présenter na Congo que non voilà Égypte Soudan Éthiopie bazali na problème ya mai alors bozala ba humaniste bozwa ndambo ya mai ya fleuve Congo na bino bo pesa biso to réseau de conflits parce que il y a un conflit entre ces pays. Conflit où ezali tozomo na ke ekokoma na bitumba ezali conflit entre Égypte na Éthiopie. Boyebi ke Éthiopie bazana problème ya courant ya mwinda. Éthiopie bas décida ki basala barrage hydroélectrique na fleuve Nil. Donc bakanga mai ya fleuve Nil, mai wana siko etonda soki etondi ekweya na se kuna basala ba turbine po epesa courant na mboka na bango. Alors, l'Égypte s'oppose na barrage hydroélectrique oyo ya Éthiopie. Pourquoi? Égypte balobi soki Éthiopie bokangi mai wana ya fleuve Nil biso na se kote ya se mai ekozala ebele te. Toko souffrir po na misala na biso, bilanga na biso, makamuzo, parce que toza na mai msute. Mai yo toza na ngo pembeni ezali mai ya mungwa. Mai ya mungwa basopa angona bilanga te, bilanga ekozika. Alors, l'Egypte menace l'Ethiopie d'une guerre. Soki Ethiopie ba kati basali barrage wana basilisi yango. Ethiopie ba banda deja kotonga barrage wana. E koma deja pembeni ya suka eloke tika la sikoyo bakanga mai. Construction ya barrage et ceci là. Et tika la siko ba kangamai. Alors, l'Egypte azali koyebisa na Ethiopie. Soki bo meki ko kangamai, toko bunda. La guerre. Ba négociation ezali ebele pour ke ba bunda te. Mais en tout cas, l'Egypte ezali prêt pour ba bunda na Ethiopie. Soki Ethiopie ba meki ko kangamai wana. Alors, solution ezali ndenge na uti koloba ke. Ces pays-là, bango nyonso traversés par le fleuve Nil, basenga d'une façon humanitaire na Congo. Or, ce qui Congo andimi, même d'une façon humanitaire, andimi ko pesa ko tobola nzela, maya fleuve Congo musu se kota na fleuve Nil, nous aurons un problème na barrage na biso ya Inga. Barrage ya Inga ekozala na debi ya mai ndenge sengeli te po etourner. Nous aurons un problème. tokozala na problème ya navigation ba bato ko uta Kinshasa e kende Kisangani. Tokozala na problème ya forêt na biso équatorial. Boyebi ki forêt na biso ezali dense na partie oyo fleuve Congo ezali kokita. Tokozala na problème ya forêt na biso. Ba nzete na biso kozala na mai o esengelite. Tokozala na problème ya bambula. Bambule ko beta lisusu makasi te parce que boyebi ki fleuve Congo soki ezali ko s'évaporer. Mon pepe wana, milinga wana, ezali ko créer ba nuage ezali ko provoquer mbula, mbula ezali ko beta na forêt, forêt ba nzete na biso ezana santé ya malamu. Alors, ce qui fleuve Congo ba diminuer yango, mai eza susu mingi te, évaporation ekozala mingi te, ce qui évaporation eza mingi te, ba mbula ekozala mingi te, ce qui ba mbula eza mingi te, zamba na biso la forêt équatoriale aura un problème sérieux. C'est un problème national et ça les problèmes y a bino ba milouvorti. C'est un problème national. Alors maintenant pour na bango solution humanitaire Congo bana Mobutu Mobutu aboya Laurent Désiré Kabila aboya Joseph Kabila même s'il était rwandais il a refusé ba corruption nyoso bata Mobutu baboya yango. Je reconnais encore Katumba Mwaki qui est parti discuter na Égypte, na Éthiopie en ce qui concerne projet humanitaire ya Congo pour na mai. Paix à son âme, na Katumba Mwaki. Il a rejeté la corruption ya les Égyptiens, corruption ya les Éthiopiens, corruption ya Soudan, ba pays où ils sont réunis, ba sanisaka mbongo, ba corrompre l'autorité congolaise. Mobutu ndenge na lobby a rejeté, Laurent Désiré Kabila a rejeté, Joseph Kabila a rejeté. Mais le risque ezali maintenant, tozali na un assoiffé d'argent, tozali na chekouler à la tête du pays, oyo même si au corrompre yé na $1,000, Félix akoya kolanda $1,000. Alors risque ezali pona biso na Congo, pona mai na biso, pona fleuve Congo avec Félix. Parce que un, autour de Félix, tous ses conseillers sont des corrupteurs. Bazali Bachekouler, lui-même assoiffé d'argent, corrupteur. Alors, risque ezali que Félix a kende ko cédé Maya fleuve Congo pour que ba irrigue yango et kota na fleuve Nil. Alors, ba pays wana nyonso solution humanitaire so ki échoué, bazali na table na solution ya corruption. Ndenge na yebisi bino que bazali ko sangisa mbongo pour que ba corrompre ba autorité congolaise ba ndima ko pesa bango mai. So ki solution ya corruption et réussir te, eh ben la dernière solution, c'est la guerre. Le président Idriss Déby l'avait dit. Ce qui vous allez bah idiot, vous comprenez juste le colabamboa ba milo oboliaka. Boyebi makamundenge zalite. Taisez-vous. Taisez-vous. Ce pays ne vous appartient pas. Ce pays ne vous appartient pas. Idriss Déby. Idriss Déby, plutôt le président tchadien, a l'oba qui yango, a l'obi tokozwa maya fleuve Congo de gré ou de force, tokozwa yango. Il a dit, b'interview na yezali na YouTube. B'interview na yezali na YouTube. Ya YouTube, tokozwa maya fleuve Congo de gré ou de force, tokozwa yango. Alors, ceux qui volent soupe ya mbwa, vous ne comprenez pas que votre frère a zotia pays na biso na danger. Alors, ba pays wana nyonso avant ba koma na niveau wana ya guerre te, ba zwa mai na biso de force, il faut tozala na leadership o ezali makasi na mboka na biso, o ekoki kosala face na bato wana lokola ba Idriss Déby na Égypte. Mais danger ezali nini? Pourquoi na ye koloba alerte ezali pour na citoyen congolais nyonso? Félix azalaki en Égypte. Après avoir kokutana na président ya Éthiopie. Après avoir kokutana na premier ministre ou bien ministre affaires étrangères ya Soudan. Félix azan en Égypte na ite soka zongi. Na Égypte kuna qu'est-ce que Félix a déclaré? Félix a lobby na zolandela de pré-conflit oyo ezali entre Égypte na Éthiopie concernant mai fleuve ya Nil. Na zolandela yango et na lingite ba pays oyo frère et ami ba koma ba suka na bitumba ba suka na guerre. Alors moi je vais trouver la solution à ces problèmes. y a fleuve Nil. Question na zotou na bino bandeko. Félix aussi a solution à donner. Un idiot aussi a solution à donner. Idiot a koyi ko zana solution. Au moment où na kati ya mboka na biso na Congo, na Kinshasa, toke ne Congo mobimbate. Prenons la ville de Kinshasa. Félix ne peut pas donner l'eau potable aux citoyens congolais. Incapable, deux ans yangoyo, incapable à pesa mai, na ba citoyens congolais, tozo ata commune moko ya Njili, à pesa bango mai. Mais Félix a trouvé solution à copier sa maille na Égypte, na Soudan, na Éthiopie, na Tchad, na Érythrée, na Djibouti. Appelle sa bango maille. Aza la solution. Alors, nazo ka mwanabi non, yé soa l'inkoya, idiot pe a komi na solution à copier sa. Idiot pe, yé pe a komi mouta copier sa solution. Alors, cette solution, c'est quoi, Félix a l'inko pe sa bango? C'est juste ya kozoa maille à fleuve Congo copier sa bango. C'est ça la solution pour lui. Donc, pour Félix, barrage à Inga et Koufa, ce n'est pas son problème. Pour Félix, navigation babato et longwa qui chassati qui sangani et comme ali soussouté, ce n'est pas son problème. Pour Félix, bilanga, forêt nabiso, forêt équatoriale et Koufa nango, ce n'est pas son problème. Pour Félix, bané Congo nyos donc à partir de l'Équateur, Équateur, Bandundu, Bakongo, Kinshasa, donc Tokoufa na biso maya fleuve Congo et Koufa, ce n'est pas son problème. Son souci, c'est de donner solution à Pesa Maï na Égypte, à Pesa Maï na Soudan, à Pesa Maï na Éthiopie, à Pesa Maï na Tchad, à Pesa Maï na Érythrée, na Djibouti. Voilà mon problème. Yango to ebisaka bino que classe et zali finalité. Mais classe est allée importante pour la gestion ya organisation nyonso, pour la gestion ya cité. Classe est allée importante parce que classe est coupé ça yo makanisi. Oye ba que non, ngai na zali président ya Congo. Bato oyo bazana ba ambition na bango ya kozwa biso mai ya fleuve na biso degré ou de force. Ba vidéo ya ba président wana ezali. Alors, ngai, en tant que Congolais, solution ni na kozwa. Solution ezali ke ba yo kanandenge ba mukilindenge salema, mayo wana ya fleuve ni ndenge ezali ndenge wana, ba yo kana bakabula yango ndenge bakabulaka. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas notre problème. Ce qui balingi ba sambela nzambe, ba égyptien baza ce qui ba musulman. Bamboka nyoso ba chrétien ba musulman ezali ba beta mabolongo na se ba sambela nzamba kitsambula mbule beta e belé pa na bango pour que fleuve Nil maye comme belé, c'est pas notre problème. On ne peut pas tuer notre peuple pour servir notre peuple. Yangwana mon problème. Problème nanga yangwana. Boyebi que Maï, parce que les gens disent que va minerai, bon, qui vantait la bande de Gonabiso et Bélé, Kassayen, Biso, na Kassay, Tozana diamant, Tozana diamant. Naïf Sarabino toujours diamant, Ezali, quelque chose renouvelable. Na Lobarango toujours est diamant, Ezali tomate. Te. Diamant balon na kangote. Diamant est silaka. Vous avez vu au Kassay, les Kassayens, Bazaraki, ba naïf. Natango bozali ko exploiter diamant. Les Kassayens n'ont pas pensé. Les leaders Kassayens, batulokola Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, son problème était que pouvoir na ye ezala na Kinshasa. Combien de fois premier ministre? Pouvoir na ye ezala mbongo na ye ya. Batulokola Etienne Tshisekedi ne pensait pas que au Kassayi nous avons les diamants, mais après diamant tokozwa nini? Tokozala na nini? Et Etienne Tshisekedi était une personne qui n'avait pas ses raisonnements. Il y a voyé que diamant est renouvelable. Nathan Motozali qui exploitait diamant, il faut maintenant travailler pour que après diamant, tu peux remplacer Nini. Si vous avez na Kassai, diamant est banni aussi. Diamant est si là. Si vous avez Kassai, vous avez Nini. Exode. Exode dans la province Moussous. Parce que dans ça, il n'y a plus rien. Il y a ma isili. Ma toboli, toboli, ma belle, ma toboli, toboli, ma toboli, toboli, ma érosion partout. Alors, il n'y a plus de diamants. Ils n'ont pas pensé bêtes qu'ils étaient. Ils n'ont pas pensé à remplacer. Qu'est-ce qu'on va remplacer après le diamant? Ils n'ont pas compris que le diamant n'est pas renouvelable. Ils n'ont pas compris que le diamant n'est pas tomate. Pour n'a pas encore que comment que diamant ici la caté, diamant ici la gâteau, diamant ici la gâteau. Bisous tous allés na diamant, tous allés na diamant. Si quoi diamant ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les désordres partout. Ce qui va créer quelque part, au lieu de se comporter comme les citoyens, Moussousou, Bango, ils se comportent comme des rois. Chez moi, dans le Bandundu, ils sont là. Aoye ko koma lelo lobi na tonga lobi bilanga oyo nyonso ikomi yangai. Oh di yo uti kasai oye awa bilanga oyo ikomi ya yo. Il y a des ceux qui s'improvisent chef coutumier dans la Bandundu. A uti kasai ya ye Bandundu comme chef coutumier. Azo bunda pe chef coutumier nazali chef coutumier. Razo bunda pe pona mabele. Ils n'ont pas pensé après diamant, que sera Kassai? Ils n'ont pas pensé à ça. Alors, voilà maintenant que votre président, pardon, votre patin, a quelque promettre na Égypte, il y a qu'on trouver solution pour la Maya fleuve Nil. Yango to yeko kebisabino, surveillez votre frère. Surveillez votre frère. Maï ou y'a solution ou y'a que proposé en Égypte à retrouver solution pour la fleuve Nil. Ezali maï ou outa na kabeya ka mwanga, à kotobo la banda kabeya ka mwanga, toboli Tinel, et keiti na Rwanda, Rwanda ba pesi yango na Uganda, Uganda ba koti yango na fleuve Nil, et puis Égypte, Soudan, Tchad, Éthiopie, bazwa maï ou bien maï à fleuve Congo. Alors ici, je viens pour interpeller. Tous nos frères, tous nos citoyens, il y a province orientale, il y a province Équateur, il y a province il y a Bandundu, il y a province il y a Kinshasa, il y a province il y a Congo central. Er oyobino bozo we la ba poste na Kinshasa. Félix est en train de négocier le fleuve Congo avec l'Égypte. Et oh, comment que non, le Congo n'a pas de chance. Félix Héroyo a zone négocié Maya fleuve Congo avec l'Égypte, avec l'Éthiopie, avec le Soudan. Mais vous, vous allez à Kinshasa, vous allez à la poste. Ma vidéo Oyo écotique, là, nous avons eu toutes les précautions pour que Balongola yango li soussoute. Écotique, là, toko tounana un jour. D'abord, Namukili, avec ces changements climatiques, ba mai e komi ya kobondela. Ba zamba e komi ya kobondela. Notre forêt équatoriale est menacée. Na batu ba chasseur ya banjete. Ba mbula e komi kobeta d'une façon difficile. Le peu ya mai otozali nango to batela yango. Et voilà un idiot va en Égypte pour négocier. Il veut se faire voir Batouba Mona que lui aussi est intelligent, lui aussi peut proposer une solution. Quelle solution au moment où dans son propre pays, il n'arrive même pas à donner un verre d'eau potable aux citoyens congolais? Ça, c'était pour l'interpellation. Il y a un Congolais Nyonso. Boyeba, c'est que Félix négocie na Kombo Nabino. Alors, Toya na Makambouya. Parlement Nabino, en tout cas, Mawamingia. Il semblerait que M. Mbosso Nkodiapwanga a été élu, entre guillemets, président de l'Assemblée nationale. Il semblerait que l'étudiant Kabunda a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mboka Oyo ezali Mboka Yaba Idio. J'ai compris que dans notre pays, ceux qui ont allé sérieux, batouba ko considéré yote. Il faut qu'on soit un aventurier, il faut qu'on soit moins sérieux pour osala na mboka wana. Franchement, écoutez, c'est Kabund. A outi ko zala premier vice-président. le même député, to longoli député mon côté, to bakisi député mon côté, les mêmes députés, le même bâtiment. Ces députés ont voté une motion, il y a destitution, il y a Kabound pour incompétence. Kabound a été chassé comme vice-président, il y a Assemblée nationale. Balongolié parce que Azali incompétent, balongolié. Le même député, le même bâtiment. 3 mois après, mes chers amis congolais, pardon, vous allez entre biso, vous allez ba vidéo ou na monoko na biso. Chers amis, vous allez ba idiot. Vous allez ba idiot. Le même député, le même parlement, le même bâtiment, la même salle. Ces députés, Bango Nyon Sobasali, motion Balongo la Kabound pour une incompétence. C'est vrai, Kabound est un étudiant premier gradué au géré parlementaire. Au géré parlementaire, parce que le parlement est Zali Mukongo Yamboka. Mukongo Yamboka. Mboka est au tambour la malamou pour la mibeko malamou. Ce qui me bêque à malam, c'est que je suis un peu plus de temps. Batou, il faut que je sois un peu expérimenté. Bayeba, mi beko ni toko sala po mboka na biso telema. Mi beko ni toko sala po mboka na biso avancé. Mi beko ni toko sala po mboka na biso koyate. Le parlement, eza wenze te. Eza wenze gambela te. Eza wenze kikwi trois te. Eza wenze lubumbashi te. Eza wenze goma te. Moutou na moutou ako ya ozui kaka mwa ki funda na yo. Mwa ndundo ki oche mwa kare na yo. Oche li puto tandi ndundo bandiko teka. C'est pas ça le parlement. C'est pas ça le parlement. Kabound incompétent balongoli. Mes chers amis, 3 mois après, Kabound a eu expertise wapi, a eu expérience wapi, a eu maillé le wapi, compétence a eu wapi, 3 mois oyo, baye ko zongi sa ye, na même poste, na même fonction, premier vice-président ya parlement. Même parlement, ba zongi sa na même fonction, ba longo liye ke azo kokate, incompétent. Tout le monde, même Batoyi Depes, qui résonne un peu, Bandima qui c'est vrai. Notre frère ici, ce n'est pas quelqu'un qui peut être premier vice-président du Parlement. 3 mois après, mes chers amis congolais, 3 mois après, Kabound devient intelligent, Kabound devient compétent. Bazong ici est dans la même place, dans la même fonction. Non, Tozali ba idiot. Tozali ba idiot. Mboso nkolia poanga. Moi je suis Yaka. Naza Yaka, musuku mu Yaka za mutu moko. Mboso nkolia poanga. Tobande ko benga ye, excusez-moi. Na ebi ke video na ngana sala ka bana batala kate. Mboso nkodi ampuanga to banayi ko benga ye animatiengu. Botu na basuku bako yebi sabino animatiengu se kwa. Basuku, mitiengu. Excusez-moi. Mitiengu se la danse ou ba izibaka loketu. Mitiengu na kisuku. Mboso nkodi ampuanga se ten animatiengu de mubutu, impère. Aye bana kindengwana un bout d'homme, nzoto mike, mais ce qui a zosé kaluketo, grave. C'est comme ça, Mobutu l'a repéré. Mboso kodian poanga un PP4. Comme Félix. La différence est que Mboso kodian poanga PP4, il a eu son certificat de PP4. Mais pour Félix, Akima. Mathématique yamke, moutou passe, Akimi. Mboso Korea Poanga travaille avec Mobutu. Mboso Korea Poanga travaille avec Laura Désiré Kabila. Avec Joseph Kabila. Voilà. Pas même transition à ta mon côté. Mboso Korea Poanga quitte les clubs de destruction de notre pays. Mboso Korea Poanga traverse la rue. Il devient opposant Lelo, président du Parlement. Président du Parlement. Mes chers amis, tozali ba idiot. Dites-nous tous tozali ba idiot. Franchement, ce pays, le Parlement Mokongo Yamboka, dirigé par Mboso Korea Poanga, dirigé par Kabund. Est-ce que vraiment tous allez chérir? Franchement, tous allez sérieux? Prenez les deux là, Mboso Korea Poanga et Kabund. Enfermez-les dans la salle. Vous pouvez savoir que vous papier na big. Vous pouvez lire la carte. Fermez. Après un mois, vous fongez la salle. Boko kuta Kabund. Bango mi bale kote tozo bango trois. Prenons l'air président Félix. Bocha ina kata sal. Prenez Mboso Korea Poanga, Bocha ina kata sal. Prenez Kabund, Bocha ina kata sal. Prenez Eliezer Tambwe, Bocha ina kata sal. Prenez Molière, Bocha ina kata sal. Bangwana nyoso et chantion wana. Bocha bango na kata sal, bo pesa bango chaque moto rang a papier duplicataire, paquet ya babik. Botia na kati ya sala bilo akolia ba o baliaka mbwa pola Felix botia ba milu po baliaka ba o baliaka fumbwa Mboso Korea Poanga botia la ye fumbwa boalia bo kanga sala na pendant un mois boyebi sabango ba sala mibe kwa sika po na président na bango aya na projet de société vision na ye o bozolo ba Felix azana vision Felix aussi a vision Felix aussi a vision. Nana Ebsanga vision. À ta phrase, Moko, je ne demande pas deux phrases. Une phrase, il y a vision, il y a Félix pour la nation. Nana Ebiango. Nana Yokayango. Nana Tangayango. Qui n'a pas suivi Félix lui-même na Radio Okapi? Na Tango Bazo Touna Ye, ceux qui ont commis président, vision na yo Izalinin. Alobi nin, a répondu à qui nin? Bazo Koma Yango. Alobi teke na zo koma. Alobi Bazo Koma Yango. Bazo Kome la Ye. Nani o ayebi vision ya Félix. Vision à chef de l'État. Vision à chef de l'État. Quelle vision? Félix aussi a vision. Bah toi zana vision, bah tabilongi nengwana. Bah tu bazala kana vision, bazala kabilongi nengwana. Prenez bah tu o na cité na des champions. Prenez Félix, mettez-le dans les salles, dans une salle. Prenez Mboso Korea Poanga, Boche na kata sal. Prenez Eliezer Tambwe, Boche na kata sal. Prenez Kabund, Boche na kata sal. Prenez Molière, Boche na kata sal. Bokanga salona après un mois, baya kobima. Pona ba député, baya na projet ya loi. Pona président, aya na vision. Boko kuta bango ndenge bokoti saki bango. E loko boko mona ba silisi, Félix Botira ki ba milupo alia, ba mbwa yo sila, asilisi kolia. Mboso Korea Poanga aussi ça fumbwa. C'est fini. Voilà le Congo. Voilà Congo image nini Congo. Même Bisso, tant on a zali ko tambula. Je vous ai dit une fois, un professeur me l'a dit. Un professeur tozaki na réunion, je vous ai dit tozaki na conférence moko avec Madeleine Albright. Quand j'ai parlé du Congo, un professeur qui est canadien, Mundele, canadien. Aïe, vous avez dit professeur Yombi ne cite pas ces pays, le Congo. Qu'on cite comme un pays ou un pays. Ces pays n'existent pas politiquement, ni moralement. Ça n'existe pas. Ce professeur me l'a dit, na conférence. Quel sonne. Il a bien dit. Ayoye question na ngata tuni, c'est de quel pays vous parlez? Na ebiche, la République a démocratisé le Congo. Oh, professeur Yomi, laisse. Ce pays n'existe pas politiquement ni moralement. Par la suite, na tourna yo, comment na Congo te? Mais je vois, j'entends parler. Je vois ce qui se passe. Ces pays n'existent pas. Est-ce qu'il y a aussi? Vous avez le courage de discuter avec vous? Un pays où on vous donne un président patin qui n'a jamais été à l'école. Parce que les Congolais, problème n'abîme pas les Congolais, l'intelligence se limite à la capacité à parler français. Pour les Congolais, quelqu'un qui parle français est intelligent. Pour les Congolais, ceux qui ont le chinois, ils sont intelligents. Pour les Congolais, ceux qui ont le arabe, ils sont intelligents. Pour les Congolais, ceux qui ont le néerlandais, ils sont intelligents. Ceux qui ont le coréen, japonais, ils sont intelligents. Ceux qui ont le français, voilà, intelligent. C'est-à-dire que les gens qui ont le français, ils sont français, ils sont anglais. Nos enfants ne sont pas intelligents. Félix parle ce français approximatif parce qu'il a été na Belgique. Pour Azaki na Belgique, c'est tout. C'est tout. CV à Félix Ezali juste son expérience na chômage, 54 ans de chômage. C'est ça, na CV à Félix. Ce que vous avez CV à Félix, ce que vous avez aussi, et si vous avez un ordinateur, une tablette, une bêta, na Google, Félix Tshilombo. Au Komona, né à Kinshasa, en 1963, sa mère née en 1952, étrange, étrange, Félix, troisième moine, à Botami, en 1963. Sa mère est née en 1952. Etienne Tshisekedi est né en 1932. Félix, troisième fils. C'est que maman Martha Botaki Félix na âge nini. Maman Martha Botaki mwana liboso na âge nini. Ce qui troisième mwana yeko bota yena na 63. Un président, il y a parlement. PP4. Mboso na publicité, na propagande, na yena parlement, kuna lobby, il va lutter pour le développement de ces pays. Ah, c'est aujourd'hui Mboso azo kanisasi ko développement pays. Mboso banda bande ko zeka luketo. Er ya animation politique, animatien. Ayena Kabila. Il n'a pas pensé au développement de ces pays. C'est maintenant qu'il va penser au développement de ces pays. Non, ce pays n'a pas de chance. Notre pays n'a pas de chance. Franchement. Voilà maintenant l'image du Parlement Nabiso. Congolais, ni n'y a pas besoin de fierté. Oui, j'appartiens à un pays qui s'appelle Congo, qui a un parlement, qui a un président. Nani a pas besoin. Pour ton yébi, na era Mobutu, tu manes ko beta tolo, koko beta tolo, marge, dictature Mobutu, na ko beta tolo ke non, en tout cas, moutou mo ou sazade na frontière ya mboka nangati. Sécurité, tout Congolais koui ko beta tolo. Avec Laurent Désiré Kabila, Congolais koui ko beta tolo ke non, nous avons un président qui peut dire non aux Occidentaux. Tozali na président ou a koui ko loba non na Occidentaux. Avec Félix. Boye bisanga Congolais ko beta tolo pona Félix pona likamonini. Na lingi ko mi balete mi satote moko. Boye bisanga likamonini o Congolais ko iko beta tolo pona Félix. Te j'ai un président likamonini. Boye bisanga likamonini ngana ko beta tolo yo ko beta tolo ke nous avons un président au Congo. Boye bisanga likamonini. Ikelevé. Ikelevé. Félix, à part promesse na ye ya kopé sa maï na ba éthiopien, maï wana to yebite soki son père na li fe le kuna place azali aboti si maï mosusu ou a kopé sa ba égyptien na ba éthiopien. Félix a lobby Azali kotonga ko élargir Kinshasa, la ville de Kinshasa. Ah Dieu. Nasenga la toujours nzamba comme isanga même vice nzambe ata mokolo moko. Nzamba comme isinga vice Dieu. Seconde moko kaka. Tango aya kozwa pouvoir na ye, il va regretter. Il va regretter pourquoi j'ai donné le pouvoir à ces garçons. Il va regretter. Félix Alobi azali kotonga Kinshasa mususu. Ko élargir ville à Kinshasa. Au moment où il est incapable à kotonga la bakongola ta ndako moko, incapable. Parce que parler d'une ville, la ville est composée de maisons. Ozali incapable à kopé sa congolais ndakwata moko. Ville nde o kotonga la bango. Je vous ai dit na inauguration na ye à 100 jours. Je vous ai dit ça. Que projet à 100 jours oyo ezali mise gueule pour na Félix na batunaye, ba ye maboko pia kabaza na mbongote, ils veulent retirer l'argent na trésor public pour batia na ba poche na ba poche na bango. Ba to ba finga kingai? Wapi 600 millions de dollars ba bimisa pour na projet de 100 jours. Alors maintenant, il voit que avec le projet de 100 jours, 600 millions, ponaye azoton dango soute, bambon wana les amike, azoton dango soute. Maintenant, il faut qu'on bouka sikoyo. Atonga ville mususu ya Kinshasa. Combien de milliards de dollars? Et cette fois-ci, le marché, il ne va pas les donner aux Libanais, Jamal. Cette fois-ci, le marché, il va les donner aux Égyptiens. Cette fois-ci, aux Égyptiens, Batongelaye, ville de Kinshasa Moussousou. Mbonge wouta wapi. Félix Alinko keneko défa des milliards de dollars na Fonds monétaire international. Félix Alinko défa mbongo na Union africaine. Alinko défa mbongo na partenaire Moussousou. Qui va payer cet argent? Bananayo, bakoko na yo, bakoko na ngai. À ce moment-là, Félix a osé l'analyse Félonia papa na yé Tshisekedi. Les Congolais va payer pour cet argent à Zokeneko Defa, à Yibayango, pour batonga ville à Kinshasa. Les maisons préfabriquées Zali Wapi. Banya ou Bakomiko Lalakuna, Bazamba Banzete Boti, Kalamingi Tena Banzete na Boyoka Bazokanga Bambinzo, Bazolokota Bambinzo. 57 millions à un Libanais. Et maintenant, voilà, il veut confier un marché, Yakotonga Ville à Kinshasa, aux Égyptiens. À la seule condition que l'Égypte lui protège. Azala CCCO. Ah ah, mon cher ami, si Mobutu a réussi 32 ans dans ce pays, si Kabila a réussi 18 ans, en tout cas, yo, Nandimi Yangote. Yo, Nandimi Yangote. Mais pays où yo, tout ça vraiment dengenini, Bandeko. Tout ça dengenini. Quelqu'un qui n'arrive pas bandako ya pamba préfabriqué ce qui 2000 3000 ndako azo kokate 2000 3000 maisons azo kokate une ville nde yango kotongela bino. Na lobaki na vidéo na ngai j'ai cité les noms de Zoé Kabila. Ce que je sais, Naïbi Kézoé Kabila, avec son frère Joseph Kabila, a tiré la cause de la fonction de la République. Ce qui n'a pas été fait, c'est que je sais, ce que je sais, c'est que je sais, Jeannette Kabila, Zoé Kabila, avec la coopération, il y a des Congolais de course. Mais na outi cause de la photo, plus de 100 photos. Un Coréen qui vit na Tanganyika. A tiré ma première photo, elle dit ah prof, je vous vois souvent dans ma vidéo sur le Congo. Je comprends un peu français. Moi, ma mot est utilisé, je comprends. Mais en tout cas, si le Congo a échoué, il y a un gars qui est ici, Zoé Kabila. Lui, au moins, il construit depuis qu'il est là, depuis 2 ans. Elle dit non, je ne pense pas. Elle dit oui, prof, je vais continuer ma photo. Je vais continuer ma photo avant. 2 ans, photo après 2 ans. Il semblerait que le petit garçon a construit, reconstruit ou moins, réhabilité, disons, 67% il y a ba route, il y a Tanganyika. Il a construit des barrages hydroélectriques. Il a construit plus de 70 écoles. Il a réhabilité quelques hôpitaux. Et Toyoki Batomususu Bazali Koloba, Batinda Zoé Kabila na ville à Kinshasa. Asala Moussala Zosala Tanganyika Yako Salamo na Kinshasa. Et na loba ki na vide la lobby, c'est ici où incompréhension yaba Congolais et Bimaka. Na lobby te que je fais l'apologie de la famille de Kabila. Moi, Ezala Félix, soit Salé Moussala Malam, à Salé Eloko Malam, Nakondi Mayango qui est Félix à Salé Eloko Malam. Nakondi Mayango qui est Félix à Salé Eloko Malam. Mais jusque-là, Namoni Eloko Malam Félix à Salite, à part Yako nommé quand même, Batebele Bazaré qui est na chômage en Europe, na Canada, partout, a zui quelques mille Batatuna Bamamou, a yé opé Sabamou Moussa na présidence. Voilà, et si quand on a vraiment, je félicite Félix, même les alliés népotisme, mais je le félicite, Nakatikuna a nommé quand même ba Tchadien, a nommé ba Égyptien, a nommé ba Congolais, même si Bazali ba Milouvor. Mille, na présidence aïe na Bango. Bazouzoua Mbongo ya boule, au fêlé, sans rien faire. Et l'autre madame, Félix Yamwan. Les restes, il qu'est levé, il n'y a rien. Même si la famille Kabila Bazali bat diable, oui, ils ont détruit ces pays, c'est vrai. Mais ces petits garçons sembleraient, il faut qu'on dit Mayango, il fait un bon travail na Tanganyika. Alors, est-ce que Azali Kosala Yango n'a intention de balkanisation? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est vrai est que Banzela na ye o a réhabilité 67% Banzela et ça ba Congolais ba tozo utiliser ngo ba hôpitaux et ça ba Congolais ba tozo utiliser ngo ba barrage hydroélectrique et ça ba Congolais ba tozo kozwa électricité. Donc mbongo oyi bango ba yibi, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent déjà ozo komisa bango mbongo ba yibi. Oui, ba yibi mais azongi si une partie ya mbongo wana ko sala misala na Congo, et pourtant Félix aza kozwa mbongo wana 320 millions de dollars logés dans une banque na Dubaï. Entre Bangomi Balé, les criminels Bangomi Balé, nani a besoin de peine yamingi. Ce qui nazali juge, na kokata pona Zoé Kabila, a zongi sini parti à Mbongo, a sali misala na kati ya Tanganyika, na kokata 10 ans ya prison, et Félix na kokata le combien 50 ans de prison. Parce que Félix prend 57 millions, il donne à un Libanais. Ces petits-là, Zoé, prend par exemple, c'est un exemple que je donne, 57 millions au Bayibaki, a retourné Yango, a Tongisi Banzela, a Tsalisi Babaraj hydroélectrique. Alors, il faut que Boy Yango, parce que Bazali toujours ba diable, oui, Bazali ba diable, mais à un moment donné, diable peut appeler ça à moi plaisir, même si c'est à mon cousin. La question qu'on doit se poser, est-ce que Misala Zoué Kabila Zosara Tanganyika, il y a un cadre de balkanisation, tu sais? C'est la question, Moussous. C'est la question, Moussous. Alors, si on peut prendre Félix et Zoé, Nandenga Misala, je dis bien, naebi y a compréhension na binoba congolais. Nandenga Misala, quand je prends Zoé Kabila et Félix, moi je préfère Zoé Kabila. Parce que à tout moment, Félix et sa femme, Bazobima. Kobima Bazobima, Bazoke logé bambon na banque. Ce qui va bimi, Bazoke. Félix a sali si combien de banques na Kabiaka Mwanga. Tout le monde a bien été en Bunjimaï. Félix Banda a eu le pouvoir. A sali combien de banques? Félix a sali combien de Nzela? Félix a sali combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? T'as bien été en. Les gens souffrent, parce que comme on dit, c'est le kéti. Bamboua, Bamilou et Sili. Non, t'as bien été en Milou, comme on dit, bon, Bamilou n'a pas offert à banque. Ozo kende wenze, ozo yi milu na yo, kena yi na kofre a banke nasyonal, na kabe ya kamwanga, na mbojimayi, bo gade nga mboa oyo, pa, na ke wenze. So tiki yi nanda, ba miluvoro ba yego zwaye bake liyaye. Siko yi bako mi, chas na miserekete, mitourouji. Na mbojimayi mitourouji ya miserekete, mataka na miru wana, ba mona yete, bako mi na ba lance pierre. Lance pierre, po na miserekete. Mais leurs frères na Kinshasa, 57 millions na Libanais, 15 millions rétro-commission. Balobaki, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Non, prof, Tika, au moins la rétro-commission, enquête Ezali, les lots 2 ans, yango, enquête, il y a rétro-commission à 15 millions, Ezali Wabi. 2 ans, yango, yo, enquête, il y a rétro-commission 15 millions, Félix Nakamere Bazoa, Ezali Wabi. Des idiots. Dites-vous que vous allez ba idiot. Toye comme on a un groupe de Rwandais, bazali ko se lamenté que ba Congolais babomi bangombe na bango na minembwe. Mais vraiment monde o eza sous na sonité. Les Banyamulenge se plaignent que ba Congolais babomi bangombe na bango. Donc ezali bangombe mutu ezali important par rapport ya bato. Quand ces Banyamulenge tuent les Congolais, personne n'écrit dans la toile que les Congolais vont les tuer. Ceux qui ont été tués, ils ont été tués, ils ont été tués, ils ont été tués, ils ont été tués. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Votre cousin qui vous protège, na lelo oyo Kabila bobengani parlement ekomi ya bino gouvernement ya bino mukoloni ni décret ya kwanile commune ya Minembwe ekozala signé cher Milvor et sika bozola nanga boloba bozale ba idiot rapidement dites ça. Bon, rapidement, vous allez être idiot. Mais franchement, tout ce que vous avez dit, c'est que franchement, tout ce que vous avez dit, c'est pas moi qui ai dit que Bande Konabiso, une partie de Bande Konabiso, vous avez dit que vous avez pouvoir. Vous avez raison. Vous avez raison. Voyez-vous ce qui se passe? Juste constater ce qui se passe. Boutala, ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu ça avec Mbuta Kasavubu? Bane Congo, basala makamba boy. Bon, mon ami, jamais. Botigo mon ami, on a battu là. Lumumba premier ministre. Bon, mon ami, jamais. Botigo mon ami, on a Mbutu. Bangala, ba moni na batu boy. Jamais. Laurent Désiré Kabila. Botigo mon ami, boy. Jamais. Et pourquoi avec vous? C'est comme ça. Vous devez gérer le pays. C'est comme ça que vous choisissez les Congolais. Ba Congolais ba lobaté, ba Congolais ba kosolaté. Non, boloba esika bovani bozola na ngai. Boloba boza ba idiot. Je m'en fous. Prof alobaka boyete, prof alobaka boyete, na koloba boye, je m'en fous. Bozali ba idiot. Siko prof a commis conseiller d'un premier ministre. Siko Bolobani. Bolobani. Cuisinier des réfugiés. Namboka Mokutu, Bayakabazate. Premier ministre Azamu Yakate. Premier ministre Naza Africain. Premier ministre Wana. Kuna Kutu Bandekonanga Bayakabazate. Batabandundu Bazate. Labuka Zate. Apareko ono peut-être Mbanda Mutaleka Ikuna. Mbanda peut-être ya sorogana Meshe Yombi. Mbanda Mutayebi si premier ministre Wana nomé Meshe Yombi. Non. Moussala mérite. Bongo. Ah, ngala no bakango, je suis spécialiste de la famille Tshisekedi. Donc, famille Tshisekedi Mobimba, Wuru Nabino. Ndenge bumona kaye wana, ndenga zalaki wana, awakoka anangati. Oui. Alekinga na mukolo, kulutu. Mukolo, oui. Alekinga na eskrokeri muyibi. Un intellectuel fainéant, paresse, qui n'a jamais écrit une seule phrase. Akomate. Akomate. So qui na tchete, mekaka siko bo tchela ngamo. Bo sa la kopi na mo siko bo tcha totala. perdre la démocratie. Perdre la démocratie, ou le kouta mouyibi, voleur, escroc. Quelle démocratie? Perdre la démocratie, yé mouro nanda kounaye, sans sa démocratie, zala kate. Perdre la démocratie, na parti naye, CCC ko, balongo la kate, élection, zala kate. Perdre la démocratie, yé wana? Perdre la démocratie dans un pays où il n'y a pas une démocratie. Démocratie, en gros, il y a Tshisekedi qui perd la démocratie. Il y a Kendoki ou bien Wapi. Ah non, Yokuto Zolo, Basoki Tshisekedi. Mais moi, j'ai commencé à parler avant Tshisekedi. Dans les moments, maman a eu un abîme qui n'a pas été Tshisekedi. Il y a un bandeau. Vous voyez, il y a une révolte. Il y a une révolte. Vous voyez, il y a une. C'est Tshisekedi qui a appris à Kimbangu comment lutter. Pour la copie, ça va comme le courage, Yakoloba. Bah vita, boyebi bango. Tshisekedi mutalaki sa bango ndenge ya koloba pour namboka. Ono bozolo ba pour la Tshisekedi. Bino est-ce que bozalaki namboka ba nako loba so Tshisekedi lokuta muyibi. Nous on a connu de ngunza Carlebon. Toyeba ki bakimba. Toyeba ki ba nani qui ont dit non à Mobutu. Au moment où Tshisekedi complotait d'abattre pour Babo Mabango, perdre la démocratie. Tshisekedi m'a dit que Tshisekedi m'a dit cravate. Tshisekedi m'a dit cravate. Nga m'a dit cravate, c'est perestroïka. Perestroïka m'a dit cravate. Pas Tshisekedi. Beaucoup ça va idiot, ba yibi makamba mboka te histoire de notre pays. Tshisekedi n'a rien fait pour ces pays. Tshisekedi seul ne pouvait rien faire. Ce que vous avez dit, Tshisekedi, Balia ou Bakewapi, Bakiba Samani Bakewapi, Bambouankem Bakewapi. Voilà, ma travailleur au Bazaki na Kakeri de Pes. Si Tshisekedi est connu maintenant, et Zali pour un bon Wadiama, pour un molimo nabino à Romone la Batumsus, pour un molimo nabino à Kadiosha, à Roko Sabatu. C'est pour cela que Tshisekedi est devenu populaire. Naba crime naye, kobo mabande ko mususu. Babane ko tchango na konti ya Mobutu, ke Mobutu ti, au moment où Tshisekedi aussi dans l'UDPS, il tuait les gens, le membre de l'UDPS. Nyo se bando ke nika na mutu ya Mobutu. Perdre la démocratie. Quelle démocratie? Na Congo démocratie ezali? Na Congo démocratie ezali? Soki démocratie ezali, pourquoi vous venez m'attaquer? Pourquoi vous venez m'insulter? Pourquoi vous me cherchez bo luka place na vandaka? Pourquoi vous luka adresse na ngai? Sur qui démocratie est allé. Avez-vous déjà vu un Américain, un Français, à l'obéli Macron, Baloukaye ici Kazali, Bakenego Betaye, Balouka Bananaye, Babeta Bango, Balouka ba fausse histoire, ba crier? Quelle démocratie que tu sais qu'il vous a légué? Quelle démocratie? C'est une escroquerie qu'il vous a légué? Boko sabatou mususu, mais en tout cas, ngayi, même Congo Moubimba Bandimi Tshisekedi a perdu la démocratie. Ngana kondima yangote parce que na tikale ko mona yangote. Yo bandai koloba soye Tshisekedi te. O bandai koloba. Tshisekedi a lakisa kamaka mdenga koloba. Kravate na lati yangona pour la perestroïka. Na parti na ye, bo pesanga sini moko ya démocratie à Tshisekedi. Tshisekedi a contribué pour le massacre des Congolais. Tshisekedi a contribué dans la pendaison des premier ministre en exercice pendu par Tshisekedi. Des idiots. Attendez, vous allez voir. Kalamingi te bozomona. Voilà, merci beaucoup mes chers amis. Merci pour nos Rolanda Biso. Merci tous les amis Salam Soussou. Tokende, Kosala Yango. Et donc, tout à l'embarrassement, on prend toutes les dispositions pour que vidéo n'a pas été libre de sauter. Je suis désolé pour l'inconvénient et les cas qui lobby. Et pourtant, Bandeko Bazala qui est belé, Zala qui est R, Bandeko Bazala qui est il y avait du monde hier, dans la live à lobby, juste dans la live, il y avait plus de 3000 amis sur YouTube. Bon, hélas, pour eux, mes athées. Tokole Babangote. Bangonde bakolemba bakokima tokolemba bangote. Merci beaucoup pour la confiance, merci beaucoup pour na basoué nabino, merci pour na prière nabino, merci pour la courage tous à l'ensemble, merci pour na bandeko banikola mukadeja na niveau ya Kinshasa et tous continuer toujours et totika na nzambe makambo ezoya na mikolo ezoya. Allez, courage à vous tous et au revoir. Merci. Bye. Bonjour.